Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'accord constitutionnel de Charlottetown et le référendum de 1992. Cette entente, Monsieur le Président, permet à une nouvelle génération de Québécois et de Québécoises de dire oui, oui au Canada avec fierté et confiance. Le premier ministre canadien, Brian Mulroney, lors du débat à la Chambre des communes sur la question référendaire entourant l'accord de Charlottetown en septembre 1992, le 26 octobre 1992, les Canadiens vont rejeter l'accord de Charlottetown lors d'un vote référendaire. Ce sera pour Brian Mulroney un deuxième échec cuisant sur le plan constitutionnel en quelques années seulement. Après la mort de l'accord du Lac-Meech en 1990, l'entente de Charlottetown va à son tour être enterrée en 1992. La loi de 1982 était incomplète parce que le Québec n'était pas signataire de l'entente. L'accord du Lac-Meech, qui cherchait à mettre fin à cette situation inacceptable et qui, à deux reprises, a été entériné par tous les premiers ministres, n'a pas été ratifié, au bout du compte, par deux provinces. Je crois, Monsieur le Président, que cette nouvelle entente complète ce qui avait été accompli en 1982 et remplit les attentes de 1987. Et surtout, elle est inspirée de l'esprit de 1867. À nouveau, le premier ministre canadien Brian Mulroney en septembre 1992 pour nous raconter cet épisode constitutionnel de l'accord de Charlottetown. Mon invité est le constitutionnaliste et professeur à l'Université d'Ottawa, Benoît Pelletier, qui a aussi été député libéral québécois, ministre du gouvernement libéral de Jean Charest. Benoît Pelletier, bonjour. Bonjour. Revenons sur ce que vient de dire Brian Mulroney. Il faut faire un peu de contexte. Déjà, le premier ministre, l'ex-premier ministre le faisait dans cet extrait qu'on entendait, mais comment on en arrive à cet accord de Charlottetown? Bien, je crois que le point de départ, c'était le rapatriement de la Constitution en 1982, le fait que ce rapatriement s'est effectué sans l'appui du Québec, sans l'adhésion du Québec. Et par la suite, dès 1984, lors de la campagne électorale qu'il a connue, M. Mulroney a dit qu'il réintégrerait les Québécois dans le giron constitutionnel canadien dans l'honneur et l'enthousiasme. Ouais. On s'en célèbre. Souvient, exactement. Ouais. Et donc ça a amené par la suite la négociation de l'accord du Lac-Meech dès 1987 et puis la mort de l'accord du Lac-Meech en 1990. Et là, il restait encore une possibilité, une option, un espoir pour une réforme constitutionnelle quelconque. Et là, c'est là que ça a mené en 1991 et surtout en 1992 la négociation et le référendum sur l'entente de Charlottetown. Cette volonté de Brian Mulroney, c'est peut-être son grand échec d'ailleurs, parce qu'il n'y parviendra pas, mais cette volonté de ramener le Québec dans cette famille constitutionnelle canadienne, rajouter Benoît Pelletier, parce qu'au Québec, ça bouge, là. Il y a un effet. L'échec du Lac-Meech, ça provoque un sentiment de colère, d'humiliation à certains égards au Québec. L'effet, c'est que le Québec, le Parti libéral de Robert Bourassa se mobilise autour de cette question, de cet échec de Meech, crée une commission qui est la commission Bélanger-Campeau et menace, dans les conclusions de cette commission, il y a la possibilité de la tenue d'un référendum sur la souveraineté en 1992 qui se ferait, on l'oublie, mais qui se ferait sous un gouvernement libéral, celui de Robert Bourassa. Ça compte aussi dans l'équation. Ah ben oui, tout à fait. Écoutez, le Parti libéral du Québec a pris la position suivante après l'échec de l'accord du Lac-Meech, parce qu'on sait que là, il y a eu une flambée de nationalisme au Québec, y compris dans le Parti libéral du Québec. Taux d'appui à la souveraineté de mémoire autour de 67-68%. Tout à fait. Alors donc, Robert Bourassa, voyant tout cela et puis se disant « je dois gérer la situation maintenant du mieux que je le peux », Robert Bourassa en est même venu à créer, non seulement à créer la commission Bélanger-Campeau, mais sur l'avenir du Québec, mais à faire adopter par l'Assemblée nationale du Québec une loi, la loi 150, qui prévoyait qu'il devait y avoir un référendum sur la souveraineté du Québec, figurez-vous là, avant le 26 octobre 1992. Et donc, ça veut dire que le Parti libéral du Québec flirtait, oui. Flirtait très fortement avec la thèse souverainiste au point d'adopter la loi dont je viens de parler, la loi 150. Ce qui met une pression, évidemment, sur le Canada anglais et sur le gouvernement fédéral de Brian Mulroney. C'est comme ça que commence cette négociation. On se dit, on peut pas se rendre à un référendum sur la souveraineté. Comment ça se fait, le début, et quand est-ce que ça arrive, ce début de négociation qui va conduire à l'entente de Charlottetown? Mais je crois que c'est en 1991, surtout, que là, le gouvernement du Canada a commencé à jeter sur papier les bases de ce qui pourrait devenir une entente. Le premier ministre Brian Mulroney avait d'ailleurs rendu public des documents à cet égard, avant même qu'il y ait des négociations entre les premiers ministres. Donc, le gouvernement du Canada planchait sur une entente possible, une entente potentielle, dès 1991. Mais je vous dirai ceci. Le grand, grand échec de Brian Mulroney, c'est probablement l'accord du lac Meech lui-même. Et je crois que c'est par dépit que Brian Mulroney a accepté de négocier l'entente de Charlottetown. Oui. Parce que je ne crois pas que lui-même était très favorable à l'idée qu'il y ait une ronde Canada. Oui. Et on se souviendra que l'accord du lac Meech, c'était une ronde Québec, c'est-à-dire qui ne touchait que les demandes québécoises. Que des demandes québécoises et qui ne visait qu'à satisfaire le Québec. Oui. Alors que quand on arrive avec l'entente de Charlottetown, et là, la différence, elle est majeure, là, on est en présence d'une ronde Canada qui met en cause non seulement le gouvernement canadien et les 10 provinces, mais également les deux territoires et les Autochtones, oui. Faut pas l'oublier. Alors là, on est rendu avec une négociation à très, très grande échelle. Oui. Et on s'éloigne, parce qu'au fond, ce que vous nous dites, Benoît Pelletier, c'est que Brian Mulroney voulait que le Québec réintègre le giron constitutionnel canadien, mais ne voulait pas nécessairement se lancer dans une grande réforme constitutionnelle qui toucherait, entre autres, les Autochtones et qui serait beaucoup plus large que ce que Meech prévoyait. Il y a quand même un accord de signer. Ça se fait assez vite, au fond. La négociation, vous dites, ça commence en 91, la circulation de documents. Il y a des forums régionaux aussi qui vont être organisés, mais la négociation comme telle, c'est l'été 92. Le 28 août, on a une entente. En quelques mots, parce qu'on pourra y revenir, mais ça prévoit quoi, cette entente de Charlottetown? Bien, écoutez, si j'identifie trois grands thèmes de l'entente de Charlottetown, le premier, c'est qu'il y a une reconnaissance du caractère distinct du Québec, mais en même temps, il y a une reconnaissance de la dualité canadienne et puis il y a une reconnaissance de l'égalité des provinces. Alors là, la question se pose de savoir comment conjuguer tout ça dans une clause d'interprétation, dans une disposition d'interprétation de la Constitution. Premier point, donc, caractère distinct. Le deuxième point, c'est une réforme du Sénat. Le Sénat serait devenu élu, aurait changé complètement de vocation. Ceux qui sont favorables à un Sénat élu peut-être éprouveront une certaine nostalgie. Oui. Dans plusieurs d'entre eux même ont dû voter contre, probablement l'entente de Charlottetown, puisqu'au Québec, elle n'a pas été appuyée par une majorité de la population. Mais ça, c'est le deuxième point, la réforme du Sénat. Et le troisième, c'est pas rien, c'est qu'il y aurait eu un troisième ordre de gouvernement autochtone. Oui. Alors, on sait déjà qu'à l'intérieur du Canada, il y a deux ordres de gouvernement, le fédéral et les provinces. Et on sait aussi que chacun a une souveraineté, chacun peut adopter des lois. Eh bien là, il y aurait eu un troisième ordre de gouvernement, et cette fois, ça aurait été un ordre de gouvernement autochtone. Tout ce qui touche autour de l'autonomie gouvernementale des Autochtones, ça y était. On leur donnait une forme de gouvernance en bonne et due forme. On l'a un petit peu évoqué, mais on va creuser davantage après avoir écouté l'ex-premier ministre Robert Bourassa sur la comparaison, en fait. Comment se compare l'accord de Charlottetown, l'entente de Charlottetown avec l'accord du lac Meech. Robert Bourassa, donc, qui réagit à cette entente qu'il devra défendre par voie référendaire. Extrait de Robert Bourassa le 9 septembre 1992 à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, en examinant cette entente, que j'ai qualifiée d'entente valable et de progrès réel, on doit examiner par rapport, évidemment, aux objectifs qui étaient fixés. J'ai admis volontiers que nous n'avions pas réalisé du premier coup l'ensemble des objectifs, mais on peut l'examiner aussi par rapport au passé et constater que ce sont des gains sans précédent. Nous pouvons examiner l'ampleur des gains réalisés. le respect de l'accord du lac Meech. Où en est-il? Il y a, on le sait, dans ce respect, il y avait le test de la volonté de nos partenaires canadiens de réparer ce qui avait été imposé au Québec en 1981. En examinant l'entente du 28 août, on peut conclure que ceci est acquis à toute fin pratique. Alors, Benoît Pelletier, comment se compare Meech et Charlottetown, puisque Bourassa, Robert Bourassa en parle, mais ce sera fondamental dans ce débat de la campagne référendaire de 92. Comment est-ce qu'on parle des deux ententes? Charlottetown est beaucoup plus large que Meech. Les conditions de Meech, ou enfin les dispositions que contenait l'entente du lac Meech, sont contenues essentiellement dans l'entente de Charlottetown. Présence au Parlement, présence minimale des Québécois au Parlement, juge du Québec à la Cour suprême. Juge de la Cour suprême désigné selon des listes fournies par les provinces. Sénateurs fédéraux désignés selon des listes fournies par les provinces. Ouais. Limitation du pouvoir fédéral de dépenser. Reconnaissance du caractère distinct du Québec. Renforcement des pouvoirs du Québec en matière d'immigration. Veto pour le Québec et pour l'ensemble des provinces canadiennes, d'ailleurs, sur à peu près toutes les modifications constitutionnelles envisageables. Est-ce que c'est pas un Meech, d'une certaine façon, en vous écoutant, un Meech plus? Oui. Sous réserve de ce que certains ont identifié comme une dilution de la clause de la société distincte, parce que je faisais référence précédemment, là, dans Charlottetown, on avait non seulement cela, mais on avait aussi l'attachement des Canadiens à l'épanouissement des minorités de langues officielles. Et puis, on avait l'égalité des provinces. Ouais. Et puis, on retrouvait encore la dualité canadienne, mais ça, c'était dans Meech. Mais c'est plus néanmoins que Meech. C'est plus que Meech parce que, bon, là, il y a cette réforme du Sénat dont on parle dans Charlottetown, une réforme majeure. Le Sénat serait devenu élu et égal. Chaque province aurait eu le même nombre de sénateurs. Exactement. Donc, 6 sénateurs par province. Ça heurte par ailleurs. On se replace dans les perspectives québécoises. Je me souviens du discours à l'époque, mais ça veut dire que l'île du Prince-Édouard, c'était souvent l'exemple qu'on donnait, a le même nombre de sénateurs que le Québec ou l'Ontario. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais avec un Sénat dont les pouvoirs aussi sont complètement modifiés, faut bien le dire. Donc, la réforme du Sénat, le troisième ordre de gouvernement autochtone. On retrouve également dans Charlottetown des propositions concernant l'union économique et sociale canadienne. Oui. Et ces dispositions-là sont extrêmement nébuleuses, je dois le dire. J'ai encore du mal aujourd'hui à savoir où le fédéral voulait aller avec des propositions comme celle-là, parce qu'elles émanent d'Ottawa, ça, on en est pas mal oui. certain. Est-ce que ça s'est pas fait trop rapidement, cette affaire-là? Négociation très, très rapide. Je reviens à l'extrait qu'on entendait de Robert Bourassa, Benoît Pelletier. On ne peut pas dire qu'il déborde d'enthousiasme, là. Non, bien entendu, parce que, bon, le Québec aurait sans doute souhaité qu'il y ait une plus grande décentralisation du régime canadien. On parle des rôles et responsabilités du fédéral et des provinces dans Charlottetown, mais on reconnaît, je vais vous donner un exemple, on reconnaît que les provinces ont une responsabilité première par rapport aux mines, on le savait, aux forêts, aux loisirs, et également au tourisme, ouais. et ainsi de suite. Alors, les gains du Québec sont par rapport à la décentralisation, par rapport au pouvoir ou aux rôles et responsabilités, sont durs à identifier. Mais il y a néanmoins un gain du Québec que je ne veux pas laisser non soulevé. C'est le fait que le Québec se voyait garantir au moins 25 % des oui. députés à la Chambre des communes pour toujours, ben, du moins tant que l'entente serait constitutionnelle. Et ça, c'était pas dans Meech, donc, cette non, représentation non, commune. Non, du tout. Ça, d'accord. c'est un gain dont pouvait s'enorgueillir Robert Bourassa, très certainement. Et on n'est plus, d'ailleurs, au jour où on se parle à ce 25 % de représentation québécoise à la Chambre des communes. On est en dessous de ça maintenant. Une autre grande différence, évidemment, c'est que l'accord de Charlottetown doit être approuvé par voie référendaire par l'ensemble de la population. Ça, c'est une grande différence avec Meech. C'était les différentes assemblées législatives des gouvernements provinciaux et le Parlement fédéral qui devaient ratifier Meech. Là, ce sera un référendum qui nous attendra. Il y a deux camps qui s'opposent. Qui sont les opposants? qui sont les défenseurs de Charlottetown, Benoît Pelletier? Bien, d'abord, je veux dire que ce sera un référendum parce que Brian Mulroney l'a voulu ou l'a peut-être jugé nécessaire, et les autres politiciens aussi, les autres politiciens qui sont mis en cause par l'entente ou qui sont signataires de l'entente. Mais je vous dirais que la Constitution n'exigeait pas qu'il y ait un référendum. Et d'ailleurs, il faut tenir compte que ça constitue tout un précédent pour l'avenir. Mais cela étant dit, qui étaient les principaux acteurs de cette campagne référendaire? Bien, du côté du non à Charlottetown, on retrouvait, bien entendu, Jacques Parizeau comme chef du Parti québécois, Lucien Bouchard comme chef du Bloc québécois, Preston Manning comme chef du Parti réformiste. D'ailleurs, on ne s'étonnera pas de voir que l'entente a été très largement rejetée dans les provinces de l'Ouest. Nous retrouvions également Pierre-Éliott Trudeau, qui avait pris... Du côté des opposants, qui avait pris fermement position contre. Et puis, du côté de ceux qui étaient pour, ben, nous retrouvions Brian Mulroney et ses progressistes conservateurs, bien entendu. Nous retrouvions les libéraux du Québec. Les néo-démocrates ont joué un rôle très, très secondaire pendant toute cette campagne. Qu'en est-il des libéraux fédéraux, allez-vous me dire? Bien, officiellement, ils appuyaient l'entente, mais je ne pense pas qu'il y a eu des efforts qui ont été déployés, des efforts qui mériteraient d'être soulignés pour que l'entente soit faite, finalement constitutionnalisée et soit cristallisée dans le droit. Alors, elle se déroule comment, cette campagne référendaire? Ça part plutôt bien pour le camp du oui au début. Oui, ça part plutôt bien pour le camp du oui. Les Canadiens trouvent dans cette entente des choses qui les intéressent, des choses qui leur plaisent, mais très rapidement, ça se gâte. Et je vous dirais que c'est développé l'effet contraire, c'est-à-dire qu'aussi rapidement que les Canadiens y ont trouvé des choses qui les intéressaient, aussi rapidement ont-ils trouvé des choses qui leur déplaisaient. Trop large, en fait. Une entente qui couvrait trop de terrain. On pouvait, dans cette entente-là, trouver des choses qui nous déplaisent. Évidemment, un élément important aussi dans cette campagne, ça commence avant même la campagne référendaire, mais ça atteint son paroxysme, l'affaire Wilhelmy Tremblay, pendant la campagne référendaire. Extrait d'un reportage de Robert Houle sur cette affaire le 1er octobre 1992. À l'issue de l'entente de Charlottetown, deux des plus proches conseillers de Robert Bourassa, Diane Wilhelmy et André Tremblay, sont consternés. Eux qui ont été au cœur de toutes les négociations au cours des 7 dernières années, ridiculisent les termes de l'entente de Charlottetown et condamnent l'attitude du premier ministre Bourassa. C'est un désastre, une honte nationale, une véritable humiliation, un recul presque à 100%, s'indigne Diane Wilhelmy. Robert Bourassa aurait dû dire non et revenir à Québec par le premier avion, clame la sous-ministre responsable du dossier constitutionnel. On s'est écrasé, on s'est traîné à genoux, ajoute honteusement André Tremblay. Dans quelles circonstances ça éclate, cette affaire Wilhelmy-Tremblay, Benoît Pelletier, puis quel impact surtout ça a sur cette campagne référendaire? Ben, d'abord, c'est une discussion privée. Oui. Entre deux personnes qui sont des conseillers du gouvernement du Québec par rapport à l'entente de Charlottetown, Mme Wilhelmy, qui est même à l'emploi du gouvernement du Québec, et puis M. Tremblay, André Tremblay, constitutionnaliste de l'Université de Montréal, qui obtient à ce moment-là un mandat pour venir conseiller le gouvernement. Et cette conversation privée, ben, quelqu'un l'a enregistrée et, en bout de piste, elle s'est retrouvée sur la place publique. Avec des mots très forts. Des mots très forts. On s'est écrasé, le Québec, Bourassa. De André Tremblay sur Robert Bourassa. Et il dit ceci, il ne voulait pas. Il n'en voulait pas de référendum sur la souveraineté. En tout cas, on s'est écrasé. C'est tout. C'est tout le ministère, d'ailleurs, qui va être écrasé. Et ça, figurez-vous que ça tombe sur la place publique et ça vient de l'équipe même de Robert Bourassa. Ce serait important? Ben oui, parce que après ça, M. Bourassa a dû nager contre le courant. Imaginez, les membres de son équipe, les plus influents, sans aucun doute, les conseillers les plus importants de M. Bourassa, eux-mêmes disaient de lui, de M. Bourassa, qu'il s'était écrasé. Ouais. En d'autres termes, le Québec avait raté la négociation. Eh bien, et par la suite, il y a eu des efforts pour essayer de rajuster le tir. Mais cela plus les interventions musclées de M. Trudeau, plus le fait que dans le reste du Canada, les provinces autres que le Québec, on a commencé à dire qu'on donnait trop pour Québec. Au Québec, on a commencé à dire qu'on n'avait pas assez. Mmh. Et tout cela, mis ensemble, a fait en sorte que finalement, l'entente a connu le résultat que l'on sait, c'est-à-dire que l'entente a été refusée par une majorité de Canadiens. 6 provinces sur 10 rejettent l'entente. 55 % des Canadiens, le 26 octobre 1992, disent non à cette entente de Charlottetown. Comment s'explique ce résultat, Benoît Pelletier? Bien, ça s'explique par le fait que les Canadiens ont eu peur devant, d'abord, l'envergure de la réforme constitutionnelle qui est proposée. Ont eu peur dans l'ensemble de la société distincte, du concept même de la société distincte, dont ils pensaient qu'il menacerait l'unité canadienne. Et en même temps, bon, l'idée qu'il y ait un troisième ordre de gouvernement autochtone n'était probablement pas une idée qui était bien établie dans l'opinion publique canadienne à l'époque. Bref, les Canadiens ont eu différents motifs pour voter contre. Mais il y a une chose que je retiens néanmoins, c'est qu'au Québec, il y a 43 % des gens qui ont voté pour. 43 % dans le contexte là, qu'on vient de décrire, je vous dirais que c'est étonnant. Oui. Mais c'est étonnant dans le contexte de l'époque, bien entendu. Les suites, parce qu'il y aura des conséquences importantes politiquement à cet échec de Charlottetown, ce sera quoi, à ces conséquences? Ben, la première des conséquences, c'est que ça a mis fin aux grandes négociations constitutionnelles. Il n'y en a pas eu depuis et on se demande quand il y en aura, s'il y en a dans un proche avenir. Premièrement. La deuxième conséquence, c'est que ça a énormément polarisé les fédéralistes versus les souverainistes. Mm-hmm. C'est-à-dire que les fédéralistes se sont dit nous avons essayé honorablement de réformer le fédéralisme canadien. Nous n'y sommes pas parvenus, mais en même temps, c'est pas grave que nous n'y soyons pas parvenus. Le Canada est le plus beau pays au monde, après tout. Et donc, ils ont renoncé à leur ambition par rapport à la réforme constitutionnelle. Et je dirais que la troisième conséquence, c'est que le référendum est devenu presque un précédent. Pour faire adopter une réforme constitutionnelle majeure. Une éventuelle réforme constitutionnelle. Oui. Et ça veut dire que la population a aussi critiqué le fait que l'entente semblait avoir été négociée par l'élite, par les élites. C'est un concept qu'on appelle le fédéralisme exécutif. C'est des ententes négociées par les gouvernants entre eux. Et la population se dit un instant, à l'avenir, nous voulons être consultés. Benoît Pelletier, professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa, ex-député et ministre libéral sous les gouvernements de Jean Charest. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Ça me fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.